Dans ces années de naissance des différents syndicats en Afrique de l'Ouest en particulier, quels étaient les rapports entre les syndicalistes et l'administration coloniale? Ah, ça, c'était très dur. D'abord parce que l'administration coloniale peut-être préférait encore les partis aux syndicats parce que les syndicats posaient des questions plus concrètes et étaient devenus à un moment donné l'élément dynamique de la contestation du colonialisme. Je dis donc que si les partis comme les RDA et comme certainement d'autres ont aidé les syndicats à mieux s'organiser, à avoir plus d'éclairage peut-être, au contraire, évidemment, l'administration a essayé d'empêcher même la création de certaines organisations syndicales. Par exemple, nous avons eu beaucoup de difficultés à créer des syndicats ouvriers de base parce qu'on exigeait qu'ils aient le certificat d'études et que presque tous n'ont pas été à l'école. Et pour trouver quelqu'un qui vraiment allait au certificat d'études, c'était difficile. L'effervescence syndicale a été l'expression d'un bouillonnement social qui a marqué les années 40 et 50. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on a vu partout en Afrique des mouvements sociaux de grande ampleur. Marches de protestation, de militants, de jeunes, de femmes, manifestations, grèves souvent très dures, comme celle fameuse des cheminots du chemin de fer Dakar-Niger. Évidemment, dans ce contexte de la guerre froide, les syndicats, les partis politiques métropolitains vont essayer de contrôler ce mouvement syndical. Les plus actifs, d'ailleurs, dans ce domaine, ont été, bien sûr, la Confédération générale du travail, la CGT, proche du Parti communiste, et la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le mouvement syndical africain et le mouvement social africain vont échapper très rapidement à l'emprise des syndicats métropolitains. L'Union générale des travailleurs africains, l'UGETAN, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la FEANF, ont été l'expression de cette volonté d'autonomie et en même temps de combat. Autre événement d'importance dans cette marche vers l'indépendance de l'Afrique francophone, la défaite française à Dien Bien Phu en Indochine le 7 mai 1954 et la conférence de Genève qui s'en suivit en juillet de la même année, instaurant le cessez-le-feu. Écoutons au soir de ce 20 juillet 1954 le président du Conseil français, Pierre Mendès France.